Section 83 de la lecture, troisième tome. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome troisième, section 83. Les rois en exil. Roman parisien par Alphonse Daudet, chapitre 3. La cour à Saint-Mandé. Le provisoire de l'hôtel des Pyramides avait duré 3 mois. 6 mois avec les malles à peine défaites, les sacs bouclés, le désordre et l'incertitude d'un campement. Tous les jours, d'excellentes nouvelles arrivaient d'Illyr. Dépourvu de racines sur un sol neuf, où elle n'avait ni passé ni héros, la République ne prenait pas. Le peuple se lassait, regrettait ses princes. Et des calculs d'une certitude infaillible venaient dire aux exilés « Tenez-vous prêts, c'est pour demain !» On ne plantait pas un clou dans les appartements. On ne déplaçait pas un seul meuble. Dans cette exclamation d'espoir, ce n'est plus la peine. Pourtant, l'exil se prolongeait et la reine ne tardait pas à comprendre que ce séjour à l'hôtel, dans un tourbillon d'étrangers, un passage d'oiseaux voyageurs, de toute plume, deviendrait contraire à la dignité de leur rang. On leva la tente, on acheta une maison, on s'installa. De nomade, l'exil se fit sédentaire. C'était à Saint-Mandé, sur l'avenue Daumesnil, à la hauteur de la rue Herbillon, dans cette partie qui longe le bois bordé de constructions élégantes, les grilles coquettes laissant voir des jardins sablés, des perrons arrondis, des pelouses anglaises qui donnent l'illusion d'un coin de l'avenue du Bois de Boulogne. Dans un de ces hôtels s'étaient déjà réfugiés le roi et la reine de Palerme, sans grande fortune, fuyant l'entraînement et les quartiers luxueux du high life, la duchesse de Malines, sœur de la reine de Palerme, était venue à rejoindre à Saint-Mandé. Et toutes deux attiraient sans peine leur cousine dans ces quartiers. En dehors des questions d'amitié, Frédéric désirait se mettre à part de l'entrain joyeux de Paris, protester contre le monde moderne et les prospérités de la République. Éviter cette curiosité qui s'attachait aux gens connus et qui lui semblait une injure à sa déchéance. Le roi s'était d'abord récrié sur le lointain de l'habitation, mais il devait y trouver bientôt un prétexte aux longues absences et aux rentrées tardives. Enfin, ce qui primait tout, la vie était moins chère là que partout ailleurs, et l'on y pouvait soutenir son luxe à peu de frais. L'installation fut confortable. La maison blanche, haute 3 étages, flanquée de 2 tourelles, regardait le bois à travers les arbres de son petit parc, tandis que sur la rue Herbillon, entre les communs et les serres, se faisait face, s'arrondissait une grande cour sablée jusqu'au perron que surmontait une marquise supportée en forme de tente par 2 longues lances inclinées. 10 chevaux à l'écurie, chevaux de trait, chevaux de selle. La reine montait tous les jours, la livrée aux couleurs d'Illyrie, coiffée en marteau et poudrée, avec un Suisse dont la hallebarde et le baudrier d'or vert étaient aussi légendaires à Saint-Mandé et à Vicennes que la jambe de bois du vieux Daumesnil. Tout cela constituait un luxe convenable et presque neuf. Il n'y avait guère en effet plus d'un an que Tom Lévy avait improvisé, avec tous ses décors et accessoires, la scène princière où va se jouer le drame historique que nous racontons. Eh mon Dieu, oui, Tom Lévy! En défi des méfiances, des répugnances, il avait fallu recourir à lui. Ce tout petit gros homme était d'une ténacité, d'une élasticité surprenante. Et tant de malice plein son sac, tant de clés, de pinces, monseigneur, pour ouvrir ou forcer les serrures résistantes, sans compter des façons à lui de gagner le cœur des fournisseurs, des valets, des chambrières. Surtout pas Tom Lévy ! On disait toujours cela pour commencer. Mais alors, rien n'avançait. Les fournisseurs ne livraient pas à temps leurs marchandises. Les domestiques s'insurgeaient jusqu'au jour où l'homme au cab apparaissait avec ses lunettes d'or et ses breloques. Les tentures descendaient d'elles-mêmes des plafonds, s'allongeaient au parquet, se nouaient, se compliquaient en portières, rideaux, tapis, décoratifs et ouatés. Les calorifères s'allumaient, les camélias montaient dans la serre et les propriétaires, vite installés, n'avaient plus qu'à jouir et à attendre sur les sièges commodes des salons. Le paquet de factures arrivant de tous les coins de Paris. Rue Herbillon, c'était le vieux Rosen, le chef de la maison, civil et militaire, qui recevait les comptes et payait la livrée, gérait la petite fortune du roi, et si adroitement que ce cadre doré donnait à leur malheur, Christian et Frédéric vivaient encore largement. Tous deux rois, enfants de rois, ne savaient d'ailleurs le prix d'aucune chose. Habitués à se voir en effigie sur toutes les pièces d'or, à battre monnaie selon leur bon plaisir, et loin de s'étonner de ce bien-être, ils sentaient au contraire tout ce qui manquait à leur existence nouvelle, sans parler du vide refroidissant que laisse autour des fronts une couronne tombée. La maison de Saint-Mandé, si simple au dehors, avait beau s'orner en petit palais à l'intérieur. La chambre de la reine rappelant exactement, par ses lampas bleus, couverts de vieux bruges, celle du château Les Bacs. Le cabinet du prince, identique à celui qu'il quittait, dans l'escalier, les reproductions des statues de la résidence royale, et dans la serre, une singerie tiède garnie de glycines grimpantes pour les ouistitifs favoris. Qu'était-ce que tous ces petits détails de délicates flatteries aux possédeurs de quatre châteaux historiques et ces résidences d'été entre les ciels et l'eau? Les pelouses mourant sous les vagues dans les îles vertes qu'on appelait les jardins de l'Adriatique. À Saint-Mandé, l'Adriatique, c'était le petit lac du bois que la reine avait en face de ses fenêtres et qu'elle regardait tristement, comme Andromaque exilée regardait son faux Simois. Si retrainte pourtant que l'eût leur vie, il arrivait à Christian, plus expérimenté que Frédéric, de s'étonner de cette aisance relative. Ce Rosen est incroyable. Je ne sais vraiment comment il s'arrange pour suffire à tout avec le peu que nous avons. Puis il ajoutait en riant, on peut être sûr toujours qu'il n'y met pas du sien. Le fait est qu'en Illyrie, Rosen était synonyme d'arpagnon. À Paris même, ce renom de ladrerie avait suivi le duc et se trouvait confirmé par le mariage de son fils. Mariage conclu dans les agences spéciales et que toute la gentillesse de la petite Sauvadon n'empêchait pas d'être une sordide mésalliance. Cependant, Rosen était riche. Le vieux pandour qui portait tous ses instincts rapaces et pillards écrits dans son profil d'oiseau de proie n'avait pas fait la guerre aux Turcs et aux Monténégrins uniquement pour la gloire. À chaque campagne, ses fourgons revenaient pleins et le magnifique hôtel qu'il occupait à la pointe de l'île de Saint-Louis, tout auprès de l'hôtel Lambert, regorgeait des choses précieuses, tentures d'Orient, meubles du Moyen-Âge et de la chevalerie, triptyques d'or massif, sculptures, reliquaires, étoffes brodées et lamées, butins de couvents ou de harems entassés dans une suite d'immenses salons de réception ouverts seulement une fois. L'or du mariage d'Herbert et de la fête féerique payée par l'oncle Sauvadon, mais qui depuis, morne et verrouillée, conservait leur richesse derrière les rideaux rejoints. Les volets clos, sans craindre même l'indiscrétion d'un rayon de soleil. Le bonhomme menait là une véritable existence de maniaque, confiné à un seul étage de l'immense hôtel, se contentant de deux domestiques pour tout service, d'un régime de provincial avare, tandis que les vastes cuisines du sous-sol avaient leurs tournebroches immobiles et leurs fourneaux refroidis, restés aussi fermés que les appartements de gala. L'arrivée de ces souverains, la nomination de tous les Rosen aux charges de la petite cour, avait un peu changé les habitudes du vieux duc. D'abord, les jeunes gens étaient venus vivre avec lui. Leur installation du parc Monceau, une vraie cage moderne aux barreaux dorés, se trouvait trop loin de Vicennes. Tous les matins, à 9h, par n'importe quel temps, la princesse Colette était prête pour le lever de la reine et montait en voiture à côté du général, dans ce brouillard riverain que les matins d'hiver et d'été laissent traîner jusqu'à midi à la pointe de l'île, comme une voile sur les décors magiques de la Seine. À cette heure, le prince Herbert essayait de reprendre un peu de son sommeil, perdu dans un rude service de nuit. Le roi Christian ayant 10 années de vie de province et de couvre-feu conjugal à rattraper, et pouvant si peu se passer du Paris nocturne que les théâtres et les cafés fermés, il trouvait en sortant du club un charme à arpenter les boulevards déserts, secs et sonores ou luisants d'eau avec la ligne des réverbères comme un garde de feu tout au bord de la longue perspective. À peine arrivée à Saint-Mandé, Colette montait près de la reine. Le duc, lui, s'installait dans un pavillon chalet, attenant au commun, à la portée du service et des fournisseurs. On appelait cela l'intendance, et c'était touchant de voir ce grand vieux assis sur son fauteuil de moleskine parmi la paperasse, les classements, carton vert recevant en réglant les petites factures bourgeoises. Lui qui avait eu sous ses ordres à la résidence tout un peuple d'huissiers galonnés. Son avarice était telle que même en ne payant pas pour son compte, chaque fois qu'il devait donner de l'argent, il y avait sur la figure une contraction de tous les traits, un froncement nerveux des rides comme si on les lui serrait avec le cordon d'un sac. Son corps raide et droit protestait, et jusqu'au geste automatique dont il ouvrait la caisse incrustée au mur. Malgré tout, il s'arrangeait pour être toujours prêt et subvenir avec les ressources modestes des princes d'Illyrie, au gaspillage inévitable dans une grande maison, aux charités de la reine, aux largesses du roi, même à ses plaisirs qui comptaient dans le budget. Car Christian, second, était tenu parole et passait joyeusement son temps d'exil. Assidu aux fêtes parisiennes, accueilli des grands cercles, recherché dans les salons, son profil narquois et fin, entrevu dans la confusion animée des premières loges, où l'élan tumultueux d'un retour de course avait pris place désormais dans les médaillons connus du tout Paris. Entre la chevelure hardie d'une actrice en vogue ou la figure décomposée de ce prince royal en disgrâce, qui roule les cafés du boulevard en attendant que sonne pour lui l'heure du règne. Christian menait la vie oisive et si remplie de la jeune gomme. L'après-midi, au jeu de paume, au skating, puis le bois, une visite toujours tombant dans certains boudoirs chics dont il aimait la tenue luxueuse, l'excessive liberté de parole. Le soir, les petits théâtres, le foyer de la danse, le cercle et surtout le jeu. Un maniement de cartes où l'on retrouvait son origine bohème, la passion du hasard et de tous ses pressentiments. Il ne sortait presque jamais avec la reine, excepté le dimanche, pour la mener à l'église de Saint-Mandé, et ne la voyait guère au repas. Il craignait cette nature raisonnable et droite, toujours préoccupée du devoir, et dont la méprisante froideur le gênait, comme une conscience visible. C'était le rappel à ses charges de roi, aux ambitions qu'il voulait oublier, et trop faible pour se révolter en face contre cette domination muette, il aimait mieux fuir. Mentir, se dérober. De son côté, Frédéric connaissait bien ce tempérament de slave ardent et mou, vibrant et fragile. Elle avait eu tant de fois à pardonner les écarts de cet homme-enfant qui gardait tout de l'enfance, la grâce, le rire, jusqu'à la cruauté de caprice. Elle l'avait vu si souvent à genoux devant elle après une de ses fautes où il jouait son bonheur et sa dignité, qu'elle s'était complètement découragée du mari et de l'homme, s'il lui restait encore des égards pour le roi. Et ce débat durait presque depuis 10 ans. bien qu'en apparence, le ménage fût très uni. À ces hauteurs d'existence, avec les appartements vastes, la domesticité nombreuse, les cérémoniales qui écartent les distances et compriment les sentiments, ces sortes de mensonges sont possibles. Mais l'exil allait les trahir. Frédéric avait d'abord espéré que cette dure épreuve mûrirait la raison du roi, éveillerait en lui ces belles révoltes qui font les héros et les vainqueurs. Au contraire, elle voyait agrandir dans ses yeux une ivresse de fête et de vertige allumée par le séjour de Paris. Son phosphore diabolique, l'incognito, des tentations et la facilité du plaisir. Ah, si elle avait voulu le suivre, partager cette course folle dans le tourbillon parisien, faire citer sa beauté, ses cheveux, ses toilettes, se prêter de toutes ses coquetteries de femme à la vaniteuse légèreté du mari, un rapprochement aurait été possible. Mais elle restait plus reine que jamais, n'abdiquait rien de ses ambitions, de ses espérances, et de loin acharnée à la lutte, envoyait lettre sur lettre aux amis, de là-bas protestant, conspirant, elle entretenait toutes les cours d'Europe de l'iniquité de leur infortune. Le conseiller Boscovitch écrivait sous sa dictée. Et à midi, quand le roi descendait, elle présentait elle-même le courrier à la signature. Il signait parbleu. Il signait tout ce qu'elle voulait, mais avec un frisson d'ironie au coin des lèvres. Le scepticisme de son milieu railleur et froid l'avait gagné. Aux illusions du début, par un revivrement propre à ses natures extrêmes, avait succédé la conviction formelle que l'exil se prolongerait indéfiniment. Aussi, quel air d'ennui, quelle fatigue il apportait dans ses conversations où Frédéric essayait de le monter jusqu'à sa fièvre, cherchait au fond de ses yeux cette attention qu'elle ne pouvait y fixer. Distrait, poursuivi de quelques refrains bêtes, il avait toujours dans la tête sa vision de la dernière nuit, le tournoiement ivre et langoureux du plaisir. Et quel ouf de soulagement quand il était enfin dehors! Quelle reprise de jeunesse et de vie qui chaque fois laissait la reine plus triste et plus seule! Après ce travail d'écriture dans la matinée, l'envoi de quelques-uns de ses billets éloquents et courts où elle ravivait les courages, les dévouements près de faiblir. Les seules distractions de Frédéric étaient la lecture de sa bibliothèque de souveraine, composée de mémoires, de correspondances, de chroniques du temps passé et de hautes philosophies religieuses. Puis les jeux de l'enfant dans le jardin et quelques promenades à cheval dans le bois de Vicennes. Promenade rarement prolongée jusqu'à la lisière où venaient aboutir les derniers échos du bruit parisien. Échouer les dernières misères du grand faubourg, car Paris lui causait une antipathie, un effroi insurmontable. À peine une fois par mois, la livrée en grande tenue allait-elle faire sa tournée de visite chez les princes exilés. Partie sans plaisir, elle revenait découragée. Sous ses infortunes royales, décemment noblement supportées, elle sentait l'abandon, le renoncement complet, l'exil accepté, pris en patience, en habitude, trompé par les manies, les enfantillages, ou même pire. La plus digne, la plus fière de ses majestés, tombée, le roi de Westphalie, pauvre vieille aveugle, si touchant avec sa fille. Sa blonde Antigone gardait la pompe et les dehors de son rang, mais ne s'occupait plus que de collectionner des tabatières, d'établir des vitrines de curiosités dans ses salons. Une raillerie singulière à l'infirmité qui l'empêchait de jouir de ses trésors. Chez le roi de Palerme, même renoncement apathique, compliqué de deuil, de tristesse, de manque d'argent, de ménage désuni, l'ambition tuée par la perte de l'unique enfant, le roi, presque toujours absent, laissait sa femme à son foyer de veuvage et d'exil. Tandis que la reine de Galice, fastueuse, passionnée de plaisir, ne changeait rien à ses mœurs turbulentes, de souveraine exotique, et que le duc de Palma décrochait de temps en temps son escopette pour essayer de franchir la frontière qui chaque fois, et durement, le rejetait à l'oisivité misérable de sa vie. Au fond, contrebandier, bien plus que prétendant, faisait la guerre pour avoir de l'argent et des filles, et donnant à sa pauvre duchesse toutes les émotions d'une malheureuse mariée à l'un de ces bandits des Pyrénées, que l'on rapporte sur une civière s'il s'attardait au petit jour. Tous ces déposés n'avaient qu'un mot aux lèvres, une devise remplaçant les sonores devises de leur maison royale. « Pourquoi faire ? À quoi bon ?» Aux élans, aux ferveurs actives de Frédéric, les plus polis répondaient par un sourire. Les femmes répliquaient théâtre, religion, galanterie ou mode, et peu à peu, ce tacite abaissement d'un principe, ce désagrégement de force gagnait la fière d'Allemande elle-même. Entre ce roi qui ne voulait plus l'être, le pauvre petit Zara, si lent à grandir, tout la frappait de défaillance. Le vieux Rosen ne parlait guère, enfermé tout le jour dans son bureau. La princesse n'était qu'un oiseau, sans cesse occupé de lisser ses plumes. Boscovitch, un enfant, la marquise, une folle. Il y avait encore le père Alphée, mais ce moine farouche et rugueux n'aurait pu comprendre à mi-mot les frissons intimes de la reine, les doutes, les peurs qui commençaient à l'envahir. La saison s'en mêlait aussi. Ce bois de Saint-Mandé, l'été tout en verdure et en fleurs, désert et calme comme un parc pendant la semaine. Le dimanche grouillant de joie populaire, prenant sous l'hiver approchant dans le deuil des horizons mouillés, dans la brume flottante de son lac, l'aspect désolé, sans grandeur, des lieux de plaisirs abandonnés, des tourbillons de corbeaux volaient au-dessus des buissons noirs, au-dessus des grands arbres tordus, balançant des nids de pies, des guis chevelus à leur sommet découronné. C'était le second hiver que Frédéric passait à Paris. Pourquoi lui semblait-il plus long, plus lugubre que l'autre? Était-ce le tapage de l'hôtel qui lui manquait, le mouvement de la ville tumultueuse et riche? Non. Mais à mesure que la reine décroisait en elle, la femme reprenait ses faiblesses, ses peines d'épouse délaissée, ses nostalgies d'étrangère arrachées du sol natal. Dans la galerie vitrée, annexe du grand salon, dont elle avait fait un petit jardin d'hiver, un coin frileux, loin du bruit domestique, ornée de claires tentures, de plantes vertes, à tous ses angles, elle se tenait maintenant, des jours entiers, inactive, devant le jardin raviné de son fouillis de branches grêles hachant vers l'horizon gris, comme une plaque d'eau forte avec un mélange de verdure foncée et résistant que les houx, les buis conservaient même sous la neige, dont leurs branches aiguës perçaient la blancheur. Sur les trois vasques superposées de la fontaine, les nappes d'eau retombantes prenaient un ton d'argent froid. Et au-delà de la haute grille qui longeait l'avenue d'Onésil, de temps en temps rompant le silence et la solitude de deux lieues de bois. Les tramways à vapeur passaient en sifflant, leurs longues fumées rejetées en arrière, si lourdes à se disperser dans l'air jaune, que Frédéric pouvait la suivre longtemps. La voir se perdre peu à peu, lente et sans but, comme sa vie. Ce fut par un matin pluvieux d'hiver qu'Élisée Méraud donna sa première leçon à l'enfant royal, dans ce petit abri de la tristesse et des songeries de la reine, qui prenait ce jour-là l'aspect d'un cabinet d'études. Des livres, des cartons étalés sur la table, une lumière répandue d'atelier ou de classe. La mère, toute simple dans la robe de drap noir qui serrait sa haute taille. Une petite travailleuse en lac roulé en face d'elle. Et le maître et l'élève aussi hésitants, aussi émus l'un que l'autre de leur première entrevue. Le petit prince reconnaissait vaguement cette tête énorme et fulgurante qu'on lui avait montrée la nuit de Noël, dans le crépuscule religieux de la chapelle, et que son imagination, tout encombrée des contes bleus de Madame de Sylvie, avait assimilé à quelque apparition du géant Robistor ou de l'enchanteur Merlin. Et l'impression d'Élisée était bien aussi chimérique. Et qui, dans ce frêle petit garçon, vieillot et maladif, au front déjà plissé comme s'il eût porté les 600 ans de sa race, croyait voir un chef prédestiné, un conducteur d'hommes et de peuples, et lui disait gravement, à la voix tremblante, « Monseigneur, vous serez roi un jour. Il faut que vous appreniez ce que c'est qu'un roi. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Et ce que ma bouche n'exprimera pas assez clairement, le respect de mes yeux vous le fera comprendre. » Alors, penché sur cette petite intelligence au ras du col, avec des mots et des images, pour elle, il lui expliquait le dogme du droit divin. Les rois en mission sur la terre, entre les peuples et Dieu, chargés de devoirs, de responsabilités que les autres hommes n'ont pas et qui leur sont imposés depuis l'enfance, que le petit prince comprit parfaitement ce qu'on lui disait. Ce n'est guère probable. Peut-être se sentait-il enveloppé de cette tiédeur vivifiante dont les jardiniers, qui soignent une plante rare, entourent la fibre délicate, le bourgeon chétif. Quant à la reine, courbée sur sa tapisserie, elle écoutait venir à elle, avec une surprise délicieuse, cette parole qu'elle attendait désespérément depuis des années, qui répondait à ses pensées les plus secrètes. Les appelait, les secouait, si longtemps elle avait rêvé seule, dans des choses qu'elle n'aurait su dire et dont Élisée lui donnait la formule. Devant lui, dès le premier jour, elle se sentait comme un musicien inconnu, un artiste inexprimé devant l'exécutant prestigieux de son œuvre. Ses plus vagues sentiments sur cette grande idée de royauté prenaient corps et se résumaient magnifiquement. Très simplement, aussi, puisqu'un enfant, un tout petit enfant, pouvait presque les comprendre, tandis qu'elle regardait cet homme, ses grands traits animés de croyance et d'éloquence, elle voyait en opposition la jolie figure indolente, le sourire indécis de Christian. Elle entendait l'éternel « à quoi bon ?» de tous ces rois décournés, des caquetages, des boudoirs princiers. Et c'était ce plébéen, ce fils de tisserand dont elle connaissait l'histoire, qui avait recueilli la tradition perdue, conservé les reliques et la chasse. Le feu sacré dont la flamme était visible en ce moment sur son front, communicative dans l'ardeur de son discours. Ah, si Christian eût été comme cela, il serait encore sur le trône, ou disparu tous deux, ensevelis sous ses décombres, chose singulière. Dans cette attention dont elle ne pouvait se défendre, la voix, le visage d'Élisée lui donnait une impression de ressouvenir. De quelle ombre de sa mémoire se levait ce front de génie, ces accents qui lui résonnaient au plus profond de l'être. Dans quelle cavité secrète du cœur. Maintenant, le maître s'était mis à interroger son élève. Non sur ce qu'il savait. Rien ou si peu de choses, hélas. Mais en cherchant ce qu'on pourrait lui apprendre. Oui, monsieur. Non, monsieur. Le petit prince n'avait que ces deux mots aux lèvres et mettait toute sa force à les prononcer, avec cette gentillesse timide des garçons élevés par des femmes dans la perpétuité. De leur premier enfantillage. Il essayait pourtant, le pauvre mignon, sous l'amas de connaissances variées que lui avait donné Madame de Sylvie, de démêler quelques notions d'histoire générale parmi les aventures de nains et de fées qui paillotaient sa petite imagination machinée comme un théâtre de féerie. De sa place, la reine le soutenait, l'encourageait, le soulevait sur son âme à elle. Au départ des hirondelles, si la plus petite du nid ne vole pas encore, la mère lui donne ainsi l'essor sur ses propres ailes. Quand l'enfant hésitait à répondre, le regard de Frédéric, doré dans ses yeux d'aigle marine, se fonçait, comme le flot sous le grain qui passe. Mais lorsqu'il avait dit juste, quel sourire de triomphe elle tournait vers le maître. Depuis bien des mois, elle n'avait éprouvé une pareille plénitude de bien-être, de joie. Le teint de cire du petit Zara, sa physionomie affaisée, l'enfant débile, semblait infusé d'un sang nouveau, jusqu'au paysage dont les plans tristes s'écartaient à la magie de cette parole, ne laissant plus voir ce qu'avait d'imposant et de grandiose ce dénuement vaste de l'hiver. Et pendant que la reine restait attentive, le coude appuyé, le buste en avant, penchée tout entière vers cet avenir où l'enfant roi lui apparaissait dans le triomphe du retour à Laybach, Élisée, frissonnant, émerveillée d'une transfiguration dont il ne savait pas être la cause, voyait sur ce beau front au ton agate se tordre et s'enrouler en diadème royal les reflets croisés des nattes lourdes. Midi sonnait, partout que la leçon durait encore. Dans le salon principal où la petite cour se réunissait chaque matin à l'heure du déjeuner, on commençait à chuchoter, à s'étonner de ne voir paraître ni le roi ni la reine. L'appétit et le vide de cet instant où le repas se faisait attendre mêlaient une certaine mauvaise humeur à ces entretiens à voix basse. Boscovitch, pâle de froid et de faim, et qui venait de battre les taillis pendant 2 heures pour trouver quelques fleurettes derrière saison, se dégelait les doigts, debout devant la haute cheminée de marbre blanc en forme d'autel, sur laquelle le père Alphée disait parfois, le dimanche, une messe particulière. La marquise majestueuse et raide, au bord d'un divan, dans sa robe de velours vert, hochait la tête d'un air tragique sur son long cou maigre entortillé d'un boa, tout en faisant ses confidences à la princesse Colette. La pauvre femme était désespérée qu'on lui eût repris son élève pour le confier à une espèce, une véritable espèce. Elle avait vu le matin traverser la cour. « Mamie, il vous aurait fait peur. Des cheveux longs comme ça, l'air d'un fou, il faut le père Alphée pour de pareilles trouvailles. » « On le dit très savant, » fit la princesse distraite envolée. L'autre bondit là-dessus. « Très savant ? Très savant ? Est-ce qu'un fils de roi avait besoin d'être bourré de grec et de latin comme un dictionnaire ? Non, non, voyez-vous, ma petite, ces éducations-là exigent des connaissances spéciales. Moi, je les avais. J'étais prête. J'ai travaillé le traité de l'abbé Diguet sur l'institution d'un prince. Je sais par cœur les différents moyens qu'il indique pour connaître les hommes. Ceux pour écarter les flatteurs, les premiers, sont au nombre de 6. On en compte 7 des seconds. Les voici dans l'ordre. » Et elle se mit à réciter à la princesse, qui ne l'écoutait pas. Tout énervée, maussade, assise sur un pouf de coussin que dépassait d'une longueur de traîne. Traîne sa robe, d'un bleu très pâle, à la mode cette année-là, et regardait la porte qui conduisait aux appartements du roi. Des brins d'aimant au bout des cils, avec la mine fâchée d'une jolie femme qui a composé sa toilette pour quelqu'un qui n'arrive pas. Raide dans son habit croisé, le vieux duc de Rosen se promenait, de long en large, d'un pas automatique, régulier, comme un balancier d'horloge, s'arrêtait à l'une ou l'autre des fenêtres donnant sur le jardin, ou la cour, et là, le regard levé, sous les plis du front, semblait officier de quart chargé de la marche et de la responsabilité du bord. Et vraiment l'aspect du navire lui faisait honneur. La brique rouge des communs, le pavillon de l'intendance, luisait, lavé par la pluie qui bondissait sur la netteté des perrons et d'un sable fin caillouté. Dans le jour sombre, une clarté venait positivement de l'ordre des choses et se reflétait jusque dans le grand salon, égayé par la chaleur répandue des tapis et des calorifères. Le mobilier Louis XVI blanc et or, aux classiques ornements reproduits sur les boiseries des panneaux et des glaces, celle-ci très grande, et un petit cartel doré retenu sur l'une d'elles par des attachés enrubannés à l'un des angles de la vaste pièce. Une encoignure du même temps soutenait dans une boîte transparente le diadème sauvé du naufrage. Frédéric avait voulu qu'il fût là. « Pour qu'on s'en souvienne, » disait-elle. Et malgré les railleries de Christian, il trouvait cela rococo, musée des souverains en diable, le splendide joyau de Moyen-Âge aux pierreries étincelantes dans le veil or gaufré et percé, jetait une note d'antique chevalerie au milieu de la coquetterie du XVIIIe siècle et du goût multiple d'une autre. Le roulement sur le sable d'une voiture familière annonça l'arrivée de l'aide de camp. Enfin, c'était toujours quelqu'un. « Comme vous venez tard aux ordres, Herbert, » fit le duc avec gravité. Le prince, quoique grand garçon, toujours tremblant devant son père, rougit, bégaya quelques excuses, désolé, pas sa faute, service toute la nuit. C'est donc pour cela que le roi n'est pas encore descendu, dit la princesse, approchant son petit nez fin du dialogue des deux hommes. Un regard sévère du duc lui ferma la bouche. La conduite du roi ne regardait personne. Montez vite, monsieur, Sa Majesté doit vous attendre. Herbert obéit après avoir essayé d'obtenir un sourire de sa bien-aimée Colette, dont la mauvaise humeur, loin d'être calmée par sa venue, alla bouder sur le divan. Les jolies bucles en déroute et la robe bleue froissée par les crispations d'une main d'enfant. Il s'était fait pourtant bel homme, le prince Herbert, depuis quelques mois. Sa femme avait exigé qu'en sa qualité d'aide de camp, il laissa pousser ses moustaches, ce qui donnait une expression formidablement martiale à sa bonne face amaigrie. Et, pâlé par l'éveil, les fatigues de son service auprès du roi. En outre, il boitait encore un peu, marchait appuyé sur sa canne comme un véritable héros de ce siège de Ragus dont il venait d'écrire le mémorial. Mémorial déjà fameux avant de paraître, et qui lut par l'auteur un soir chez la reine de Palerme, lui avait valu, avec une brillante ovation mondaine, la promesse formelle d'un prix à l'Académie. Pensez, quelle situation, quelle autorité tout cela donnait au mari de Colette! Mais il n'en gardait pas moins son air bon enfant, dadais, timide, surtout devant la princesse, qui continuait à le traiter avec le plus gracieux mépris, ce qui prouve bien qu'il n'est pas de grand homme pour sa femme. Eh bien, qu'y a-t-il encore ? Fit-elle d'un petit ton impertinent. En le voyant reparaître, la figure stupéfaite et bouleversée, le roi n'est pas rentré. Ces quelques mots d'Herbert produisirent l'effet d'une décharge électrique dans le salon. Colette, très pâle, les larmes aux yeux, retrouva la parole. « Est-ce possible ? » Et le duc, d'une voix brève, « Pas rentrer ? Comment ne m'a-t-on pas averti ?» Le boa de Madame de Sylvie se dressait, se tordait convulsivement. « Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, » dit la princesse, dans un état d'exaltation extraordinaire. Mais Herbert la tranquillisa. Le beau, le valet de chambre, était parti depuis une heure avec la valise. Bien sûr, il devait avoir des nouvelles. Dans le silence qui suivit, planait pour tout la même pensée inquiétante que le duc de Rosen résuma subitement. « Que va dire la reine ?» Et Boscovitch, tout tremblant, « Sa Majesté l'avait peut-être prévenue ?»« Je suis sûr que non, » affirma Colette. Car la reine disait tout à l'heure qu'au déjeuner, elle présenterait au roi le nouveau précepteur. Et frémissante, elle ajouta entre ses dents, assez haut pour être entendue, « À sa place, je sais bien ce que je ferai. » Le duc, indigné, se tourna, les yeux flambants vers cette petite bourgeoise qu'il ne pouvait pas parvenir à décrasser. Et probablement, elle allait lui donner une verte leçon de respect monarchique, quand la reine parut, suivie d'Élisée, qui conduisait son royal élève par la main. Tous se levèrent, Frédéric avec un beau sourire de femme heureuse, qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps, présenta M. Méraud. Oh, le salut de la marquise, railleur et haut-perché, voilà 8 jours qu'elle le répétait. La princesse, elle, ne trouva même pas la force d'un geste. De pâle, elle devenait pourpre, en reconnaissant dans le nouveau maître l'étrange grand garçon à côté de qui elle avait déjeuné chez son oncle et qui avait écrit le livre d'Herbert. Était-il là par l'effet du hasard ou de quelque machination diabolique? Quelle honte pour son mari! Quel ridicule nouveau si l'on apprenait sa superchérie littéraire! Elle se rassura un peu devant le salut froid d'Élisée, qui devait pourtant bien avoir reconnu. « C'est un homme d'esprit », pensa-t-elle. Malheureusement, tout fut compromis par la naïveté d'Herbert, sa stupéfaction à l'entrée du précepteur et la poignée de main qui lui donna familièrement avec un « Bonjour, comment ça va ?»« Vous connaissez donc monsieur ?» lui demanda la reine, qui savait, par son chapelain, l'histoire du mémorial et souriait non sans quelque malice. Mais elle était trop bien bonne pour s'amuser longtemps d'un jeu cruel. « Décidément, le roi nous oublie, dit-elle. Montez donc le prévenir, monsieur Rosen. » Il fallut lui avouer la vérité, que le roi n'était pas à l'hôtel, qu'il avait passé la nuit dehors et donné le renseignement de la valise. C'était là, première fois, que pareille chose arrivait, et l'on s'attendait bien à un éclat de cette nature ardente et fière, d'autant que la présence d'un étranger aggravait encore le délit. Non, elle resta calme. À peine quelques mots à l'aide de camp pour s'informer de sa dernière minute où il avait vu Christian. Vers 3 heures du matin, Sa Majesté descendait le boulevard à pied avec Monseigneur le Prince d'Axel. Ah, oui, c'est vrai, j'oubliais. Ils avaient à causer ensemble. Dans ses intonations tranquilles, elle achevait de reprendre sa sérénité. Mais personne ne s'y trompa. Chacun connaissait le Prince d'Axel, savait à quel genre de conversation prévue cette altesse dégradée. Ce sinistre viveur était bon. « Allons à table, » dit Frédéric, raillant d'un geste souverain tout son petit entourage, au calme qu'elle s'efforçait de montrer. Il lui fallait un bras pour passer dans la salle. Elle hésitait, le roi n'étant pas là, et tout à coup, se tournant vers le comte de Zara, qui suivait de ses grands yeux, de son air entendu d'enfant malade, et précoce, toute cette scène, elle lui dit avec une tendresse profonde, presque respectueuse, un sourire sérieux, qui ne lui connaissait pas. « Venez, sire. » Fin de la section 83.